Landry était comme affolé. Il se mit à courir et ne s'arrêta qu'à la priche. Le lendemain, il se sentit tout troublé et comme épeuré de ce qu'il avait senti pour cette fille. Il faut qu'elle soit charmeuse, car pour sûr, elle m'a ensorcelé hier soir, et jamais dans toute ma vie, je n'ai senti pour père, mère, sœur ou frère, non pas certes pour la belle Madelon, et non pas même pour mon cher Besson, Sylvinet, un élan d'amitié pareil à celui que pendant 2 ou 3 minutes, cette diablesse m'a causé. Si je devais rester seulement tout un jour affolé et enflambé, comme je l'étais pour un moment à côté de cette fadette, j'en deviendrais insensé, et je ne connaîtrais plus qu'elle dans le monde. » Et Landry se sentait comme étouffé de honte, de fatigue et d'impatience. Mais, quand le jour fut un peu grand, et que les laboureurs de la priche furent levés, ils se mirent à le plaisanter sur sa danse avec le vilain grelet. Si laid, si mal élevé, si mal attifé, dans leur moquerie. Il ne se fâcha pourtant point. Il eut même le courage de leur dire que la petite fadette n'était pas ce qu'on croyait. Là-dessus, on le raya encore. Elle a celui d'endormir les gaz, qu'il paraît, et tu feras bien d'y prendre garde, mon pauvre Landry. Nous serions obligés de te faire exorciser.